En Corée du Sud, selon la radio KBS, les autorités militaires sud-coréennes projettent de participer au grand simulacre de guerre aérienne codé Red Flag, prévu depuis le début d'octobre à Alaska, États-Unis. Des avions de combat et de transport de toutes sortes sud-coréens et de l'aviation américaine sortiront pour le simulacre de frappe à précision de nos installations importantes, surtout nucléaires, dans diverses circonstances. Des exercices sont aussi prévus, surtout pour maîtriser à longue distance les forces aériennes de l'adversaire et venir en aide aux forces terrestres par la puissance de feu aérienne. Effectivement, l'armée de l'air sud-coréenne est tenue d'expédier à destination le 28 septembre les avions de combat et de transport.